FrenchPod.com. Je peux vous aider, mademoiselle. Ça fait environ 20 minutes que vous observez nos différents modèles de portables. Vous avez besoin d'un renseignement ? En fait, voilà, j'ai envie d'acheter un nouveau téléphone. J'ai le même portable depuis 4 ans et j'ai vraiment envie de changement. Mais je m'y connais pas trop. Très bien. Alors, vous recherchez quel type de portable ? Un portable dernier cri qui fait caméra, appareil photo, avec lequel vous pourrez envoyer des MMS et vous connecter sur Internet ? Ou plutôt quelque chose de simple ? Waouh ! Il y a des portables avec lesquels on peut aller sur Internet ? Oui, plutôt un modèle moderne alors. Oui, c'est une technologie qui s'appelle le WAP et qui vous permet d'avoir un accès Internet illimité. Enfin, ça dépend du forfait que vous prenez, où que vous soyez. Ce modèle, par exemple, est un mobile 3G+, c'est-à-dire de troisième génération, qui permet non seulement d'obtenir un débit de connexion Internet rapide, mais également la visiophonie. Est-ce que je pourrais consulter mes mails, par exemple ? Mieux que ça, vous pourrez naviguer sur n'importe quel site internet et même aller sur MSN, puisque ce portable est compatible avec Windows Live Messenger. Il est aussi équipé d'un appareil photo 5 mégapixels, de la radio, d'un lecteur MP3, du Bluetooth, d'une carte mémoire d'un giga et d'un port USB. Ça a l'air d'être le top du top. Et c'est pas fini. La visiophonie, que j'ai mentionnée précédemment, vous permettra de voir vos correspondants pendant... Économisez votre salive. C'est bon, je le prends.